petite flamme lueur au bout de son tunnel, repère de ses nuits blanches, raison de rentrer à la maison le soir. Petite flamme qui lui réchauffe le cœur, tu cherches son étreinte, quitte à lui brûler l'empreinte, lui, le gardien de ton huile. Petite flamme, danseuse vacillante, dorée à l'extérieur, mais rouge au fond, déesse du foyer, il veut juste être de mèche avec toi. Danseuse vacillante, dorée à l'extérieur, mais rouge au fond, déesse du foyer, il veut juste être de mèche avec toi. Petite flamme, ta peau bleue brûle par les deux bouts, sous tous ses coups, mais tu tiendras le coup. Petite flamme, retiens son souffle, il ne réussira pas à t'éteindre, n'aie crainte, prends son étreinte dans ton écrin. Petite flamme, danseuse vacillante, dorée à l'extérieur, mais rouge au fond, déesse du foyer, il veut juste être de mèche avec toi. Mais tu brûles pour lui et il se brûle à toi. Petite flamme trop grande, mais tu brûles pour lui et il se brûle à toi. Petite flamme trop grande, danseuse vacillante, dorée à l'extérieur, mais rouge au fond, déesse du foyer, il veut juste être de mèche avec toi. Mais tu brûles pour lui et il se brûle à toi. Petite flamme trop grande, danseuse vacillante, dorée à l'extérieur, mais rouge au fond, déesse du foyer, il veut juste être de mèche avec toi. Mais tu brûles pour lui et il se brûle à toi. Petite flamme trop grande.